Chapitre 32e, pas le bon coupable. C'était le vrai Mousseron qu'il avait en face de lui à cette heure, c'est-à-dire un personnage en tout point haïssable. Dutilleul devait bien admettre qu'il aurait pris grand plaisir à l'arrêter s'il avait trouvé la moindre faille. Il l'aurait fait convoquer au commissariat en toute fin de journée, lui aurait fait faire un petit séjour dans l'attendrisseur juste pour voir comment il supportait le traitement. Il l'aurait fait réveiller très tôt le lendemain matin, ne lui donnant surtout pas la possibilité de se décrasser. Il aurait aimé voir l'étoffe de son costume froissé, sali, la barbe déjà naissante, le regard hagard. Dutilleul se serait montré particulièrement sec et coupant. Seulement, tout cela ne resterait jamais qu'au stade des intentions, car l'homme assis en face de lui ne commettrait jamais le faux pas tant désiré. Dutilleul allait s'échiner à vérifier pour ne pas reconnaître d'entrée cette défaite si humiliante, mais il savait déjà qu'il ne trouverait rien. Gravard avait raison, Mousseron n'était pour rien dans le meurtre de Marion Chardy. Se sentant brusquement très fatigué, Dutilleul mit brutalement fin à l'entretien, car il était inutile de continuer à tourner autour du pot. L'écœurement était à son comble, et il n'avait plus qu'une idée en tête, sortir de ce bureau le plus vite possible. Mousseron, visiblement soulagé, ne le raccompagna pas à la porte. Il préféra se plonger dans l'étude d'un dossier qui présentait un tout nouveau composant des plus prometteurs. Avant de quitter les locaux de CM Process, Dutilleul avait demandé la direction des toilettes à l'une des hôtesses qui s'empressa de le renseigner. Il eut tout juste le temps de refermer la porte derrière lui qu'un jet de bile jaillissait de sa bouche. Il avait des crampes d'estomac et il lui fallut plusieurs minutes pour se reprendre. Heureusement, il ne s'était pas taché, mais il avait une haleine douceâtre. Il s'assit sur la cuvette des toilettes pour se calmer. Il ne voulait pas alarmer Bellegarde inutilement. Cela finirait bien par passer. Il avait une trousse de toilette dans la voiture ainsi qu'un reste de bouteille d'eau. Ainsi, il pourrait au moins se laver les dents. Cependant, rien ne se passa comme Dutilleul l'avait prévu. Malgré la conduite sans à-coups de Bellegarde, son malaise ne fit qu'augmenter, si bien qu'il fut obligé de faire arrêter la voiture. Il se rua à l'extérieur et cette fois, il vomit beaucoup et longtemps. Une migraine lui vrillait les tempes et cette fois, il s'était sali. Il se résigna à passer à l'appartement afin de prendre une bonne douche. Ensuite, il lui faudrait arrêter une stratégie avec Bellegarde car, même si Mousseron était innocent, ce dont à son corps défendant il était convaincu, il ne le lâcherait pas pour autant. Bellegarde allait tout passer au peigne fin. Dutilleul savait qu'il pouvait lui faire confiance. Celui-ci avait eu la pudeur de ne pas le suivre. À son teint légèrement verdâtre, Bellegarde avait compris que son chef n'était pas au mieux de sa forme et il était inutile de s'apesantir. Il connaissait la prochaine étape et celle-ci serait la bienvenue. Lui aussi avait trouvé Mousseron monstrueux et il avait sérieusement dû se retenir de ne pas le balancer à travers la fenêtre au cours de l'entretien. Mousseron était un être tellement mauvais que Bellegarde aurait pris un plaisir certain à le réduire en bouillie, même si d'ordinaire ce genre de violence lui était parfaitement étranger. Seulement voilà, de par son attitude méprisante, Mousseron faisait remonter à la surface les plus bas instincts de ses interlocuteurs. Dutilleul passa donc à l'appartement pour se laver, se changer et tenter, si possible, d'avaler quelque chose. Bellegarde se rendit utile en préparant quelques sandwiches. Il fut quelque peu surpris de trouver des denrées tout à fait fraîches dans le frigidaire, car il savait bien que Dutilleul n'occupait guère les lieux, chose que, par devers lui, il avait le plus grand mal à s'expliquer. Il ne voyait vraiment pas ce qu'il reprochait à l'appartement. Celui-ci était très beau, vaste, clair et bien disposé. Cependant, Bellegarde renonçait à s'interroger plus avant. Il connaissait sans doute mieux que quiconque les fêlures intimes de son chef. Il ne voulait pas commettre d'autres dommages, l'homme ayant eu largement sa dose. Dutilleul réparut dans un costume gris perle des plus saillants et remercia Bellegarde d'avoir préparé un encas. Il répondit à sa question muette en souriant. Visiblement, cela allait beaucoup mieux. Admettez que vous vous attendiez à trouver un frigidaire vide et plein de moisissures. C'est-à-dire... Allons, Bellegarde. Inutile de nier. Sachez cependant, et si cela peut vous rassurer au passage, que cette chère Gloria Ortiz veille sur moi avec une attention toute particulière. Elle fait les courses et doit vérifier toutes les dates de péremption au moins une fois par semaine. J'avoue que j'en suis le premier surpris, mais cet arrangement me convient parfaitement. Je lui ai dit de se limiter à l'essentiel, mais il n'est pas rare que je trouve une part de gâteau ou une cuisse de poulet. J'avoue que sans elle, je serais perdu, et si mon chemin n'avait pas croisé celui de Mado, j'aurais presque pu en faire une compagne. Bien sûr, elle n'a pas les atouts physiques de Mado, mais on peut tout à fait se consoler avec des attentions de mère, même si au fil du temps cela devient un peu étouffant. Bellegarde fut heureux de voir que son chef reprenait le dessus. Il avait coutume de penser que quand l'humour va, tout va. La pause fut courte, mais bienvenue. Dutilleul prit le temps de se faire un thé bien fort tandis que Bellegarde dégustait une crème au chocolat. « À présent, que fait-on, chef ?»« Tout d'abord, informer Henri Castex du peu d'avancement de l'enquête. Ensuite, j'ai une mission toute spéciale pour vous. Je veux que vous me vérifiez le background de Mousseron. Prenez votre temps, je veux du travail soigné. Je veux tout savoir de ses antécédents. Attention, cependant, il nous faut du très propre, pas la cavalerie. » Inutile d'alerter l'animal. L'homme est intelligent et certainement puissant. Je ne souhaite pas prendre un retour de bâton dans la figure parce que nous n'avons pas été assez prudents. Comptez sur moi pour la jouer fine, chef. Qu'est-ce qui vous intéresse plus particulièrement? Son enfance, Bellegarde. Il faut particulièrement insister sur son enfance. C'est souvent la clé de beaucoup de choses. Vous le croyez impliqué d'une façon ou d'une autre? Non, il n'a rien à voir avec le crime. C'est le genre de type qui n'y mettrait pas même le bout d'un ongle. Il est bien trop intelligent pour cela, mais il ne m'intrigue pas moins. Je veux que vous me trouviez des témoignages concernant les relations que Chardy entretenait avec Mousseron, mais je le répète, il vous faudra travailler de façon détournée. Ainsi, il serait maladroit d'interroger les employés de CM Process. De plus, ce serait du temps perdu et je vous parie que nous n'apprendrions pas grand-chose. Regardez plutôt du côté des personnes qui ont quitté la société de leur propre volonté. Évitez autant que possible les licenciés. J'ai besoin de témoignages objectifs. L'idéal serait de trouver quelqu'un ou quelqu'une qui était là au début de l'aventure, mais qui a préféré quitter le navire. Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, chef. Je vais m'y atteler dès aujourd'hui. N'hésitez pas à vous faire aider par Patricia dans vos recherches, car Internet pourrait s'avérer assez utile. Commencez par éplucher les annuaires professionnels. Certains offrent des relevés de carrière assez intéressants. Passez également au crible l'histoire de CM Process. Même si elle a sans doute été réécrite au fil des années, vous pourriez néanmoins glaner des renseignements intéressants.